chimie intrexplose. J'ai marché sans pitié, sérieux, je suis fatigué. Arrête, je suis fatigué. Fatigué, le monde est sans pitié. Sérieux, je suis fatigué. Arrête, je suis fatigué. Fatigué. Tout ce poids, cela m'a courbé le dos. Toutes ces galères ont soulevé des montagnes. À nos grands-parents qui sont partis trop tôt. Et toutes ces paroles, oui, m'ont forgé le mental. Maman dit souvent qu'on trouve des solutions. Dis-lui je t'aime papa, ça fait longtemps. On sème la colère autour de nous sans raison. On part prendre l'air afin de revenir dans le calme. Perdre le souffle mais pas l'inspiration. Prendre le temps mais le temps nous condamne. Vive les couleurs sans discrimination. Vas-y tends-moi la main, sache que je t'accompagne. Prendre soin de l'autre, sans prise de tête. Marcher cravaché de ma ville de Sète. J'ai marché sans pitié, sérieux, je suis fatigué. Arrête, je suis fatigué. Fatigué, le monde est sans pitié. Sérieux, je suis fatigué. Arrête, je suis fatigué. Fatigué. Y'a la vie, la mort, la joie, la colère. Derrière le décor, le soleil ou le tonnerre. Y'a la guerre ou la paix, les armes et la peur. Y'a l'humain qui sort et y'a l'ordinateur. Y'a les chiens qui mordent, la misère qui rôde. Quand les bombes défilent, ce n'est pas une mode. Fatigué de voir que personne nous entend. On dit que l'innocence commence dès l'enfant. Y'a les morts, mes familles qui n'ont plus de pays. Suivi par le viseur de mirador. Ce sentiment de ne plus avoir de vie. Et de compter les jours à chaque fois, oui, qu'on s'endort.